Et mon bœuf sont que des sons que l'on change à loisir. Tout dépend à quoi, à qui, comment on veut les dire. S'ils doivent rester en l'air, aller à tort à travers, être tout juste entendu ou frapper comme le tonnerre. Dis en aparté, comme souvent parfois, nous laisse bien croire de toi, moi, entre nous, comme une histoire de fou. On leur fait dire n'importe quoi, toutes les couleurs, nous faire rire aux éclats, pour nous donner les sueurs, nous parler du temps qui passe inexorablement, rappeler que quoi que l'on fasse, rien ne les surprend. Le vent les emporte, reste les écrits pour toi, mamie. Je te dédie celui-ci, priant que tu le dises. Sortir du cœur, parler de mille fleurs, avoir des accents rageurs, comme s'ils venaient d'ailleurs, s'éviner dans nos oreilles, comme un leitmotiv, devant ceux qui nous émerveillent, nous rendre émotifs. C'est ce qui se passe en moi, quand je t'aperçois, j'en reste sans voix. Toute langue, tout pays, te le diront comme ici. Il n'y a que pour te dire je t'aime, que les mots sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Je t'aime.